Le Reboutou par Gustave Toudouze. Chapitre 1er. Une cloche dans la brume. Rien sur la terre, rien au ciel, rien sur la mer. Partout la même nuit, une nuit étrange, une nuit blanche, impénétrable. Tout dort sous le même floconnement que le vent ne peut dissiper et qui, fluide pénétrant, glisse insensiblement, toujours aussi épais, toujours aussi opaque, arrivant sans cesse de l'ouest insondable et mystérieux. C'est un linceul sans fin, impalpable, continu dont l'humide frôlement passe sur tout, ensevelit tout, en son égalité sinistre, avec une frissonnante caresse surnaturelle, un troublant effleurement de fantômes qui donne la sensation du néant. Dans l'air cotonneux, comme trame étroite, dans ce pâle et angoissant milieu de limbe, dans ce mouvant et flottant océan de lait, un bruit, par moments, à intervalles espacés, à secousses régulières monte, grandit, s'affole, éparpille une clameur d'airain, puis décroît, s'étouffe, meurt. Un tintement mugissant éclate, pour bientôt s'éteindre, puis revenir et disparaître encore, toujours et toujours. C'est tout en haut dans le clocher tronqué, aiguille de granit, de cette curieuse petite chapelle de Notre-Dame de Rosmadou ou Rocamadour, roc au milieu des eaux, planté en sauvegarde de la partie nord-est de la presqu'île de Crozon, entre le modeste port de Camaret et l'immense lame écumeuse de l'Atlantique, c'est là, invisible, tombant du ciel, que la langue de fer de la cloche jette ainsi ce monstrueux et matinal appel. Prière, plainte, signal de détresse, elle bat sa même note mélancolique et profonde, dont les ondes sonores s'élargissent, gémissantes, autour du monument sacré, en vol circulaire d'oiseaux de mer, plane sur les galets, sur les pierres énormes de la jetée, sur le sable fin de la grève du Corréjou, se heurtent à la rondeur polie du phare, aux angles saillants du fortin rouge construit par Vauban, et vont, par-delà la barre d'écume balayant furieusement le rivage, par-delà le houleux moutonnement des vagues, au milieu de l'aigre cri des mouettes et des goélands, porter au large l'appel saint. Infatigable, ardente à sa mission de sauvetage des âmes et des corps, elle teinte toujours, bientôt saisie, absorbée, engloutie dans l'épaisse brume blanche qui enveloppe par cette matinée de mars la limite extrême du vieux monde, cette pointe toujours brumeuse de fin d'armorique. Dans l'intérieur nu et froid de la vieille chapelle gothique, aux murs blanchis à la chaux, aux dalles de pierre noirâtre, aux massifs piliers octogones, tout verdis sur leurs assises carrées par l'humidité de la mer, aux ogives aiguës séparant la nef des bas-côtés, avec la régularité de deux arceaux romans rompant l'uniformité des ogives, le brouillard filtrant par les fentes des portes, par quelques carreaux brisés des fenêtres, tisse une gaze laiteuse qui adoucit le contour des objets et au milieu de laquelle s'agitent de confuses formes éparses. Dominus vobiscum. Du fond du cœur, jaillissant des marches de l'autel, dressé juste sous la bizarre poutre à huit pans mordus à chacune de ses extrémités par les dents blanches d'une gueule de monstre, les paroles latines retentissent, articulée par une voix forte à laquelle un organe plus doux, étouffé, comme à demi contenu par le respect, répond « Et cum spiritu tuo » assisté de son vicaire et d'un enfant de cœur, le prêtre dit sa messe, tandis que toujours, à coups réguliers, pleure dans le clocher à jour et résonne sous la voûte bleue de la nef, rebondit dans les bas-côtés la continue lamentation de la cloche. Quand il se retourne pour bénir l'assistance, les mains étendues, les bras légèrement relevés, on distingue plus nettement sa haute et robuste stature se dessinant sous les ornements sacerdotaux. Des épaules puissantes, un cou court, supportant une tête énergique aux luisants cheveux noirs, à peine rayés de blanc. Malgré la cinquantaine dépassée, un visage vermillonné, plein de vie avec la courbe de son nez solide, ses yeux vifs ombragés de sourcils épais, ses larges mâchoires bleuies par le rasoir, ses lèvres saines un peu fortes, décelant la bonté. Bien que contenu, alenti par le grave cérémonial du culte, ses moindres mouvements dénotaient la vigueur corporelle, de même que la franchise rude de ses prunelles noires, les lignes nettes de son front, un vrai front de Bretagne. La coupe carrée de son menton indiquait l'instinct de combativité, la volonté poussée jusqu'à l'entêtement. C'est l'abbé Pierre Kerbiriou, curé de Camaret. Maigre, les joues creuses dans un visage émacié et maladif, les cheveux jaunes et plats, l'œil décoloré, le teint pâle, les gestes fatigués et brisés, le jeune vicaire, Jacques Louarn, formait avec son supérieur le plus complet contraste, et son long corps oscillant, sa poitrine anguleuse semblait plus mince, plus décharnée dans l'étroit fourreau de la soutane noire, plaqué sur ses membres grêles. À mesure que la messe avançait, il faisait les répons d'une voix de plus en plus basse, comme si la persistante humidité qui suintait des murs et que le brouillard augmentait encore l'eût glacé jusqu'au fond des poumons. « Il a l'air plus souffrant que d'habitude, Aster, notre vicaire !» fit une femme en manteau noir de veuve et en coiffe blanche, se penchant à l'oreille de sa voisine qui, un gros chapelet déroulé entre les doigts, enveloppait du même regard contemplatif l'autel avec ses hauts chandeliers, ses vases de fleurs et les trois statues qui ornaient le fond du chœur. À gauche, Sainte Anne et la Vierge, à droite, Saint Thomas, ancien patron de Camaret, et, triomphante, au-dessus du tabernacle, la Vierge tenant l'enfant Jésus. L'autre poursuivit, ne recevant pas de réponse. « Mais t'as vu qu'il n'aurait pas la poitrine qu'il faut pour nos pays, n'est-ce pas, tante Rosalie ?» Arrachée à ses réflexions, la patronne de l'hôtel de la Marine, la solide et vivace doyenne de Camaret, eut un redressement des épaules avec un sourire approbatif. « Seigneur, c'est vrai que vous avez raison, Louise. Ces mauvaises brumes, c'est pas fait pour lui. Mais que voulez-vous? C'est un sacrifice de plus qu'il offre au bon Dieu. Tout le monde ne peut pas avoir la santé et la vigueur de monsieur le recteur. Ils sont pourtant bretons tous les deux. Oui, l'un de la ville et l'autre de la campagne. » Elles furent interrompues par cette phrase soufflée vers elles. « Au diable ! Un solide, celui-là. Un fameux matelot pour sûr que notre recteur. Il ne boude pas à l'occasion devant un coup de main donné à son prochain, pas plus qu'il ne recule devant une bonne pipe. Ah ah ! C'est un homme qu'on peut dire, un vrai breton de mer. C'est pas lui qu'un peu de brume pourrait faire tousser. On l'entendrait dans une tempête. Tenez, écoutez-le plutôt nous envoyer ça. » C'était d'une voix étouffée au creux de la main que leur voisin, Jean-Marie Balanec, l'ancien marin, patron de plusieurs grands bâtiments homardiers, le riche mareyeur de Camaret, leur glissait ces mots. Et secouant ses cheveux blancs en boucle derrière les oreilles, il redressait sa face de cuivre rouge dans la couleur uniformément foncée de laquelle brillaient ses clairs yeux bleus d'océan, avec un sourire satisfait, un pli content des lèvres, tandis que Pierre Kerbiriou retournait de nouveau vers eux, avant de lire l'évangile de saint Jean, lançait à plein poumon la bénédiction finale. Benedicicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Dominant pour un instant tous les autres bruits, le râle déchirant de la mer, le battement des reins de la cloche, ce fut un grondement sonore qui alla rouler avec une progression vibrante au-dessus des têtes, emplissant majestueusement toute la chapelle, jusque dans ses moindres anfractuosités, des lourdes syllabes solennelles répercutées par les murs et par la voûte. « Hein ?» continua le pêcheur émerveillé et fier. « Quel gaillard ! Un homme, celui-là, je vous répète, un du vieux pays, et comme on n'en voit plus, autant dire. » Oui. Et on n'en a pas tant seulement entendu l'amen du vicaire, riposta la première camarétoise. La messe se terminait. Pendant que le curé, aidé du vicaire et de l'enfant de cœur, un petit orphelin surnommé Plougastel, était allé reporter les vases sacrés et les ornements du culte dans la sacristie attenant à la gauche du chœur, les rares assistants de cette matinale messe de 6 heures se réunissaient devant la porte ogivale qui fait face aux maisons de Camaret pour causer un instant en attendant la sortie de Pierre Kerbiriou et de Jacques Louarn. Ils étaient 4 seulement, 3 femmes, Madame Rosalie d'Orso, Louise Pénéguez, la mercière qui avait perdu l'année d'avant son mari Jean-Pierre Pénéguez, emportée en quelques jours lors de l'épidémie de petite vérole qui avait ravagé le Finistère, et reine Balanec, la fille aînée du mareyeur, accompagnant son père, l'unique homme de l'assistance. Comme le brouillard était toujours aussi épais, d'un blanc aussi impénétrable et qu'on n'aurait pas pu distinguer les objets à 2 mètres de distance, le bedeau, qui faisait en même temps fonction de chantre aux grands-messes, un vieux visage de Mathurin, lèvres et menton entièrement rasés, ne portant qu'un collier ébouriffé de barbe grise, tonton Goisduf continuait, suspendu à la corde, près de la porte principale, de sonner cette cloche de Notre-Dame de Rocamadour, cloche battant par les temps de brume pour indiquer la position du port, en abri tranquille, aux barques et aux bâtiments égarés entre l'anse de Berthaume, la pointe du Grand Gouin et l'entrée du goulet de Brest. Des temps qu'on n'aime pas trop tout de même, ces temps de brume, la perdition des bateaux plus sûrement que les mauvais coups de vent. Oh oui, et tenez, on ne voit même pas le fortin qui est à 2 pas, ni les maisons, ni les barques, ni rien, Jésus. La veuve Pénéguez joignit les mains dans un effroi de ce suaire tombé tout autour d'eux en menace de mort et dont l'effet était plus saisissant encore au sortir du calme asile recueilli de la chapelle. Le mareyeur hocha la tête, redevenu grave. « C'est de la misère pour ceux qui naviguent à cette heure par les parages de par-ici. Une mer qui gonfle à briser en aussi peu de temps qu'on met à manger une écuellée de soupe, disaient nos anciens, qui étaient des gens de bon jugement. « Que le bon Dieu les protège !» soupira Louise. « Ayons confiance en sa souveraine bonté. Nous venons de l'implorer pour cela. » Une voix puissante prononçant ces derniers mots les fit retourner du côté de la chapelle. Le curé était derrière eux, sur le seuil de la porte, prêt à sortir, et, malgré l'intonation ferme de ses réconfortantes paroles, jetant, lui aussi, des regards impatients et attristés dans le cercle étroit où les enfermait le brouillard. « C'est-y donc que vous espérez prochainement, monsieur Denis ?» interrogea vivement madame d'Orso, allant immédiatement avec sa maternelle intuition à la pensée secrète qui faisait en ce moment parler ainsi l'abbé Kerbiriou. Il inclina lentement la tête et, ses lèvres fortes se joignant en une moue mécontente, il murmura « Sûrement, mon neveu doit se trouver à l'heure actuelle par le travers du rat, en plein péril de la mer. Le Seigneur fasse qu'il ne soit pas dans la marée du rat qui porte sur les écueils de la vieille. » Louise Pénéguez expliqua. Là où on disait en parlant d'un navire « S'il n'obéit pas au gouvernail, au rocher, il le fera sûrement !» Et elle répéta en breton la menaçante prédiction. « Nepsesenket ur Arthur, ur Argarek Arassur. » Jésus-Marie. Balanek sourit en entendant sa fille jeter cette exclamation étouffée. Il objecta d'un air calme. « Un bon marin, quoique tout jeune, votre Denis le Marek. Entre ses mains, un bateau peut être tranquille. J'irai dessus le sien les yeux fermés. Bien sûr qu'avec son jugement, il n'aura pas été se fourrer entre la vieille et le rat, dans la petite passe bonne pour les barques, les coquilles de noix. Et quant à ce qui est de la grande passe, entre la plate de la vieille et l'île de Saint, en plein milieu du rat, soyez calme, il ne se laissera prendre ni par le jusant qui porte au sud sur la tête du chat, ni par le flot qui jette au nord sur les bas-volets. En voilà un qui a le goût de son métier, est solide et bon enfant. Ah, monsieur le recteur a de quoi être fier de lui, il fait honneur au pays. C'est franc comme l'or, un garçon comme celui-là. Un fils pareil, ah, ah, je sais bien, moi, pour ma part, que... Enfin, ah, ah !» Sans achever, il se frottait vigoureusement les mains, examinant alternativement le curé, qui restait pensif, et la jeune fille qui faisait semblant de causer à l'oreille de la veuve pénégaise, tout en ne perdant pas une des paroles de son père. Elle avait vraiment gentille physionomie, cette reine Balanek, une fraîche et vigoureuse créature de 21 ans à peine, la figure ronde et pleine, aux joues fermes, aux lèvres en fleurs, ouvrant des yeux purs, du même bleu atlantique que les prunelles de son père, sous des sourcils châtains bien dessinés, d'une courbe presque délicate de fille de la ville. Le nez droit et fin, le front blanc, les cheveux lissés sous la broderie coquette d'une coiffe très blanche, achevaient de lui donner une sorte de distinction, l'élevant au-dessus des filles de pêcheurs et des friturières à la lourde allure paysanne qui peuplent les usines à sardines. La taille moins épaisse avait une certaine élégance que relevait le tablier de soie changeante et le châle de crêpe fixé dans le cou par 3 ou 4 plis, maintenu par une épingle. Sa réputation de jolie fille était du reste incontestée dans Camaret, et son père en était aussi fier que de lui voir au jour de procession lors de la fête de l'Assomption et du Pardon, porter au milieu de ses compagnes la bannière de la Sainte Vierge. Un instant arraché à des pensées plus sombres qui obscurcissaient son front, dans l'ombre des ailes du large chapeau noir incliné sur ses yeux, Pierre Kerbiriou avait relevé la tête sous le coup de fouet des paroles de Balanek. Il se mit à contempler les traits réguliers et encore un peu enfantins de reine, qui avait conservé comme un reste de la naïveté candide de la fillette du premier âge, sous les lignes plus affermies modelant sa figure de jeune fille, bientôt jeune femme, et soupira. « Bonne et brave fille !»« Oui, certes, ce serait la tranquillité assurée, le bonheur, un foyer. » Tout un avenir réjouissant et heureux éclaira quelques instants ses yeux noirs, débrouilla les plis de ses sourcils, les rides amassées en tempête à la racine de son nez, la moue obstinée de ses lèvres, des lèvres épaisses de bonté et d'affection. Puis il leva ses lourdes épaules dans un geste de doute, d'espoir, mais très vite elles s'affaissèrent en une sorte de houle frissonnante sous une reprise plus serrée des lamentations de la cloche, en même temps que le tissu mouvant du brouillard resserrait sa trame, les enveloppait tous d'un nuage plus opaque, d'une humidité plus envahissante, et que le vicaire, portant son mouchoir à sa bouche, étouffait difficilement une brusque quinte de toux qui le secouait de la tête aux pieds. « Les coups de la mort, qu'on dirait !» marmotta la veuve, impressionnée plus vivement que les autres par ce glas, pleurant invisible sur elle. Elle ajouta, se rappelant un passage d'une vieille chanson dont les syllabes armoricaines la hantaient. « Taolio armaros osquet !» Entraînée aussi, tante Rosalie répéta en français. « Les coups de mort ont frappé !» C'était tellement l'impression funèbre de tous en ce moment qu'ils ne trouvaient rien à répondre à ces mots jetés en présage de malheur et passant sur eux comme un vol d'oiseaux de tempête. Balanec gronda, mécontent, secouant le léger frémissement qui lui avait chatouillé l'épiderme. « Pas des choses à dire, Astor, Madame Pénéguez, quand il y a tant de braves gens en mer. » Reine, toute pâle, regardait vaguement autour d'elle, comme si elle se fût attendue à voir quelque subite et lugubre apparition sortir de ce nuage cotonneux dont elle se sentait toute caressée. Ce fut le prêtre qui réagit le premier, en déclarant de sa voix forte « Ne sommes-nous pas tous à toute heure et toujours dans la main de Dieu ? Des Français, des Bretons ne doivent craindre que Dieu !» Sa main droite dressée en l'air montrait le ciel d'un fier élan, de l'allure hardie que devaient avoir les grands ancêtres gaulois. Ils eurent un geste, un mouvement pour se serrer autour de lui, avec la confiance de sa force, de sa haute taille, de son autorité sainte, de cette puissance physique et morale qui devait les préserver de tout mal. À petits pas, ils marchèrent auprès de lui, s'avançant peu à peu le long de la mince et étroite bande de terre qui relie la chapelle, le phare, la jetée et le fortin de Vauban à la terre ferme, protégeant et enfermant le port de Camaret en le défendant par un large et épais mur bas composé d'énormes blocs de pierre contre les fureurs du large. Et il était bien au physique comme il l'était au moral, le pasteur de ce troupeau, le dominant de sa taille, de son allure résolue, de la fermeté de son pas, de sa parole énergique, ayant conscience de l'apostolat qu'il avait à remplir dans ce pays où flotte encore çà et là, dans la brume des Landes, autour des pierres druidiques, les dernières superstitions. Il allait le premier, la poitrine élargie sous cette soutane noire, à l'un des boutons de laquelle se nouait un mince ruban rouge, ruban gagné sur les champs de bataille de province, durant l'année terrible. 1870-1871, l'action du Rebutu se déroule en 1890. Alors que, jeune encore, il avait accompagné comme aumônier un bataillon de mobiles du Finistère, ne voulant pas abandonner pendant le péril, au milieu des combats, ceux dont il avait commencé à être le guide et le soutien pendant les époques de repos et de paix. Ayant fait jusqu'au bout la douloureuse et rude campagne, il lui en était resté dans le cerveau, dans les prunelles, dans le sang, une ardente passion de son pays vaincu, de la patrie, et cette passion, il se plaisait en toutes circonstances à la communiquer, avide d'en étendre la contagion. La France, il aimait à en parler à ses paroissiens si humbles, aux rudes pêcheurs bretons. Ceux-ci écoutaient volontiers cet homme de chez eux, simple comme eux, rude comme eux, modeste comme eux, et qui, ainsi que le maître de port, Pierre Guivarc, décoré pour fait de guerre, ainsi que le patron du bateau de sauvetage, Corentin Garec, tonton Corentin, décoré pour avoir si souvent aventuré sa vie en sauvant les naufragés, portait sur la poitrine la croix conquise d'une manière héroïque et désintéressée. Lui aussi a fait de nombreux sauvetages, sauvetages de lamentables et fragiles existences d'hommes, lorsqu'il a pu arracher quelques tristes blessés à la mort, plus souvent sauvetages de pauvres âmes humaines défaillantes, glissant sur les lèvres des malheureux enfants qui l'accompagnaient, sombre dernier soupir recueilli sous la mitraille, sous les balles, et s'envolant de bouche blêmie, de lèvres contractées par la souffrance, entre une invocation suprême à quelque saint obscur, à quelque saint ignoré de Bretagne, et l'appel si déchirant, toujours le même, l'appel à la mère, l'adieu à la maman. C'est là surtout qu'il avait appris à aimer les hommes, non plus seulement comme des frères, mais comme des enfants, dont chacun lui tenait profondément au cœur par de tendres et délicates racines. Aussi bien qu'il ne fût pas d'une famille camarétoise, était-il aimé et respecté dans le petit port comme s'il y était né. Du reste, s'il n'était pas de Camaret, il appartenait cependant à la même race, à la même terre, à la même presqu'île. Fils d'un aubergiste de Crozon, il avait été, dès l'enfance, poussé par sa mère, très pieuse, à choisir la carrière ecclésiastique et, moins par vocation particulière que par entraînement d'obéissante tendresse pour elle, il était entré au séminaire après avoir terminé ses études au collège de Lesnevin. Là, il avait achevé de se dégrossir, de s'instruire, mais ayant toutefois gardé le physique de son origine paysanne, les allures de son aïeul, un vaillant marin, pêcheur de Morgate, des goûts, des tendances, des expressions rebelles à toute culture, à toute domestication, à toute discipline scolaire, montrait en lui le sang d'un fils de la terre, cette terre toute osseuse, toute rocheuse de la presqu'île de Crozon, pointe de porphyre entre les pointes de granit du Ras-de-Saint et de Saint-Mathieu fin de terre. Il était lui-même de ce pur porphyre, de cette pierre à feu que tout choc fait briller, étinceler, et il entremêlait sa bonté réelle, son infatigable charité de dures et rocailleuses boutades, de coups de boutoir solidement assénés. Il traitait les pêcheurs en grands enfants et en camarades, les morigénant, les bousculant, en ayant toujours soin de faire remarquer que c'était par affection pour eux, son dicton favori étant « qui aime bien, châtie bien ». Il leur parlait breton quand le français ne les persuadait pas. Il les enjôlait, non pas par des phrases enguirlandées et mielleuses, mais par une sorte de familiarité brutale qui leur convenait mieux, prêt à accompagner ces phrases du pied ou du poing pour les faire pénétrer dans les récalcitrantes cervelles de certaines de ses ouailles. Un de ceux qu'il avait le plus rudement admonesté lui riposta, à bout d'arguments et d'un air de malice, « Il ne vous manque plus que de jurer comme nous, monsieur le recteur !» Cela ne le démonta nullement. Il se contenta de sourire, répondant tout droit, « Un juron ne me ferait certes pas reculer si j'étais sûr qu'il pût vous ramener au bien et à l'amour de Dieu !» Sa grande haine était les paresseux, les ivrognes. Encore savait-il fort intelligemment faire la distinction entre l'ivrogne invétéré, le buveur habituel, et le pêcheur qui, par hasard, un jour de bonne pêche ou par chagrin, se laissait aller à boire un coup de plus qu'il ne le fallait. Il était trop du pays, trop de la race armoricaine pour ne pas savoir que, dans ce rude et dangereux métier, dans cette continuelle vie de misère, dans cette lutte de jour et de nuit avec les grandes eaux terribles de l'océan, l'homme a parfois besoin de cette aide ou de cette consolation, de cette brûlure fortifiante, de ce poison d'oubli, l'alcool. Alors, il pardonnait, pitoyable à cette trop compréhensible faiblesse humaine, ou bien il faisait semblant de ne pas voir, d'ignorer. De là cette grande chaleur d'affection que tout Camaret montrait pour lui. En dehors de ses paroissiens, sa principale tendresse était son neveu, le fils d'une sœur, morte après quelques années de mariage et après avoir elle-même perdu son mari dans un naufrage. Ce neveu, Denis le Marec, il eût voulu en faire un homme d'une instruction suffisante pour se choisir une carrière tranquille. Il avait commencé lui-même son éducation, cherchant à le diriger, à le pousser vers cette existence placide qu'il rêvait pour lui. Tout fut inutile. Chez l'enfant, dès le premier âge, le sang paternel avait grondé plus fort que tous les conseils de l'oncle, détruisant au fur et à mesure les faibles résultats de ses efforts et, sans même pouvoir terminer cette éducation entreprise avec tant de joie, il avait été obligé de céder à la grande vocation qui faisait du fils du marin un marin, un homme de mer comme son père. L'abbé avait fini par s'incliner, tout soupirant, n'essayant même pas de résister dès les premières et impérieuses manifestations de ce goût, et c'était comme mousse que le fils de sa sœur avait fait ses débuts sur mer. Maintenant, après de fréquents voyages, après 1000 aventures, bien qu'il eût seulement atteint sa 25e année, Denis le Marec commandait un bâtiment de commerce faisant le long cours et son oncle l'attendait de jour en jour, ne l'ayant pas vu depuis 2 ans. C'était tout là-bas, vers l'Amérique du Sud, dans les pays du grand soleil qu'il était parti. Il y avait de cela une longue couple d'années et Pierre Kerbiriou, n'avait eu que de temps en temps de ses nouvelles. Quelques courtes lettres de marin de commerce, toujours préoccupé des affaires dont son bâtiment était chargé, sachant mal mettre en ses phrases ce qu'il avait de bon et de tendre dans le cœur, ne sachant pas du tout parler de ce qu'il voyait, des pays curieux qu'il visitait. Les dernières nouvelles reçues annonçaient son arrivée en France, mais aucun sémaphore n'avait encore signalé le bâtiment sur lequel il se trouvait, et c'était approximativement seulement que le curé pouvait apprécier l'endroit où il devait être. Préoccupé plus que d'habitude ce matin-là, sous la double influence de ses pressentiments personnels et de cette épaisse brume qui avait envahi les côtes dans la soirée de la veille, il avait dit sa messe avec plus de ferveur encore que les autres jours, appelant sur le voyageur les bénédictions et les protections d'en haut. Tandis qu'il reprenait le chemin de Camaret, tout en causant avec ceux qui venaient d'assister à sa messe, il ne pouvait s'empêcher de penser à son neveu, n'ayant jamais ressenti une telle hâte de le revoir, de le sentir là, en sûreté à ses côtés, et de longs remords se glissaient en lui, de n'avoir pas résisté davantage à cette vocation, d'avoir laissé exposer aux incessants périls de la mer ce fils adoré de sa sœur, cet enfant qu'elle lui avait confié en mourant et qui était devenu comme son fils. Il eût voulu faire taire cette cloche qui continuait de tinter derrière lui et dont les appels le poursuivaient, hérissant au fond de son âme cette latente inquiétude qui le torturait depuis quelque temps. Aussi, les conversations des camarétoises et du mareyeur, roulant de préférence sur les dangers de la mer par ce temps de brouillard, le si habituel temps de la Bretagne, avaient-elles encore avivé et comme ranimé ces terreurs informulées? Il sentait un besoin d'y échapper, de fuir ses troublantes idées en désaccord avec sa coutumière sérénité, avec sa confiance d'être robuste, le cerveau bien équilibré, avec sa foi sereine et convaincue. De nouveau, ses regards allèrent chercher parmi ceux qui l'entouraient le doux et charmant visage de Reine Balanec, s'y reposant avec une tendresse paternelle qui le raffermissait contre les idées sombres et mauvaises. Il la connaissait depuis si longtemps. Il l'avait vue si petite, gaminant sur le quai, puis une des meilleures élèves de l'école, la plus assidue au catéchisme, un exemple pour toutes ses camarades. Et les années avaient passé. Elle avait fait sa première communion avec une ferveur édifiante, passé des jupes courtes de l'enfant aux robes longues. À présent, elle était dans la plénitude de sa beauté calme et souriante, ménagère excellente, admirablement dressée par son père, dont elle tenait à merveille la maison, et devant certainement faire le bonheur de celui qui la choisirait comme femme. Élevée sévèrement, dans le respect des vieilles coutumes familiales, dans l'atmosphère tranquille et simple de Camaret, elle n'avait pas, comme tant d'autres, l'ambition de devenir une dame, de quitter son pays de naissance pour aller à la ville, et d'abandonner la coiffe pour le chapeau à fleurs ou à plumes. Pierre Kerbyrioux, en la regardant, songeait qu'il serait bien heureux si son neveu consentait à prendre pour femme une jeune fille ressemblant à Reine Balanec. S'il comprenait bien les vagues insinuations du mareyeur, il lui semblait que ce dernier, malgré sa fortune, et quoique Denis le Marec ne possédât presque rien en dehors de sa position dans la marine de commerce, ne serait pas éloigné de donner la préférence comme gendre au neveu que lui-même chérissait tant. Tout un rêve déjà entrevu remontait encore, traversant son cerveau d'une joyeuse lumière qui dissipait cette brume dont l'enveloppement avait assombri son cœur et ses yeux. Peut-être, une fois marié, Denis voyagerait-il moins, peut-être se fixerait-il définitivement dans le pays et renoncerait-il à la vie de continuels périls, aux interminables absences qui soumettaient le cœur de son oncle à de si violentes épreuves. On dirait que ça commence à se lever un peu, fit observer Balanec, indiquant une légère éclaircie. Pierre Kerbyrioux, arraché à sa rêverie, eut un sourire heureux, une exclamation de joie. Vous voyez bien qu'il faut avoir confiance. Déjà par instant, la brume se divisant en minces coulées de fumée blanchâtre laissait apercevoir des parties de terrain, la tour pointue d'un moulin avec ses grandes ailes rouges ou brunes. La maisonnette blanche du sémaphore de Pénate, dressant son télégraphe à signaux et son mât effilé. Des champs, des verdures, des pointes rocheuses se dégageaient successivement, tandis que la vapeur opaque, devenant plus transparente, glissait en une fuite de plus en plus rapide. C'était comme un gigantesque rideau de gaz s'élevant peu à peu, découvrant progressivement les objets les plus variés, les plus inattendus. Quand, ayant contourné le Stivel, dont les maisons relient le reste du bourg à la plage du Corrijou, ils atteignirent le quai de Camaret, à la hauteur de la première cale, un peu avant l'hôtel de la Marine, une partie du port redevenait visible, avec toutes ses barques alignées, le bec tourné vers le sud-ouest. « On va donc voir enfin à s'y retrouver !» s'écria le mareyeur avec un soupir de soulagement.